Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1. Jean-Tiane La France au micro avec vous et Myriam Leland avec moi également. Bonsoir Myriam. Bonsoir Jean-Tiane. Donc ce soir, à l'émission, notre chroniqueuse de la semaine, Delphine Eguesdor, nous présente une première partie de sa visite du Jardin d'hiver, qui est un parcours artistique en 8 œuvres, qui est présenté par Manif d'art pour une seconde année. Ça avait vraiment fait fureur l'année dernière. On avait beaucoup aimé les œuvres qui avaient été présentées. Delphine nous en parle pendant sa chronique cette semaine. Moi, je me suis entretenue avec Venetia Tibuca, au sujet de l'encan des finissants, finissantes. C'est une initiative étudiante qui sert à financer l'exposition des finissants, finissantes en arts visuels et médiatiques de la 50e cohorte de l'École d'art de l'Université Laval. Et toi, Jean-Tiane, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Mais j'ai rencontré Ludovic Fouquet et on a parlé de son exposition À travers, qui est présentée dans la galerie d'Angram, mais qu'on peut seulement voir que de l'extérieur parce que Méduse est actuellement fermée. Et c'est une exposition qui a préparé durant une courte résidence, les résidences Octopus d'Angram, donc une résidence qui a effectué dans leurs ateliers du 1er au 14 février. Et on a une déclinaison autour du thème de l'eucalyptus, notamment dans l'exposition. Ludovic nous a très, très bien expliqué ça et on a ça en deuxième partie d'émission. Et cette semaine, on a hâte d'entendre ça. Cette semaine, oui, c'est moi qui ai fait la sélection musicale et j'ai sorti un vieil album que j'ai beaucoup, beaucoup écouté à l'époque où il est sorti. C'est le projet Free Worm de Vincent Letellier. Donc, c'est l'album Vegetation Fuel. C'est un projet de Vincent qui est un Montréalais. Et donc, on est vraiment dans des ambiances musicales très entraînantes qui regroupent autant des instruments analogiques que des créations numériques. Beaucoup, beaucoup d'échantillonnages de peu partout dans le monde. On a vraiment une ambiance très, très mixte, très, très hybride et très entraînante qui réchauffe les cœurs en ce beau petit mois de mars très, très frais. Alors, on se laisse pour la pièce éponyme, Vegetation Fuel, et ensuite, c'est Delphine Eguesdor qui nous parle de Jardin d'hiver. De retour à l'aérospatiale et nous sommes en compagnie de Delphine Egesbar. Bonjour! Bonjour! Et Delphine, tu as choisi de nous parler de Jardin d'hiver, qui pour une deuxième édition est présenté par Manif d'art, donc dans l'espace public dans la ville de Québec. Et on va se concentrer sur une partie des œuvres pour cette chronique et puis on va en faire une suite pour une prochaine chronique. Oui, tout à fait, parce que le Jardin d'hiver regroupe 8 propositions dans l'espace public, comme tu le soulignais, sur une assez longue période, donc du 25 février au 5 avril. On couvre la semaine de relâche, le congé de Pâques, donc vraiment plusieurs opportunités d'aller prendre une marche dans divers secteurs, dans différents quartiers de la ville, pour aller à la rencontre de ces œuvres-là qui viennent s'inscrire dans le paysage. Ça s'inscrit aussi dans les activités réconfortantes là, de la ville de Québec. Je propose peut-être de se concentrer dans un premier temps sur des œuvres qui se trouvent dans le quartier Saint-Roch, dans Limoilou aussi. Je vous propose une boucle d'à peu près 2,5 km. Ou peut-être un peu plus pour aller rejoindre une œuvre qui se trouve au parc quartier Brébeuf. Donc, on se donne environ une heure là, pour faire le parcours, mettons. Oui, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Puis, ça peut donc faire une belle activité, une belle promenade. La température est si clémente ces jours-ci. Oui, parce que nous, on l'a fait sous la belle neige d'hier. Là, oui. C'était assez extraordinaire. Oui, c'est un réel jardin d'hiver. Tout à fait. Vraiment, tout à fait. Puis, c'est le jardin d'hiver se déplace sous le thème des apparitions fantastiques. Et vraiment, on se trouve devant des œuvres qui présentent des lieux mystérieux, des animaux fantastiques, des impressions et des atmosphères un peu fantomatiques dans certaines de ces œuvres-là. Des apparitions un peu curieuses dans le paysage aussi pour certaines de ces œuvres-là. Et aujourd'hui, donc, on se concentre sur les œuvres d'Audrey de Mers-Roberge, King Meata et Tid Loé, Jocelyn Philibert et aussi Amanda Parer, avec laquelle on va terminer. Et c'est finalement 4 artistes ou 4 propositions où la nature est un peu omniprésente aussi. Oui, j'allais le dire. Donc, il y a vraiment une place qui est accordée à la nature dans la grande majorité des œuvres. Donc, apparitions fantastiques. On pense aussi peut-être à l'univers des contes, là, qui souvent se passe dans les forêts, qui est inspiré des univers germaniques ou des univers britanniques, là. Oui, tout à fait. La forêt peut-être peuplée de personnages, ou en tout cas qui devient presque un personnage, là, finalement. La forêt, c'est pas qu'un lieu, là, elle a vraiment sa personnalité propre. Oui, tout à fait. Donc, on peut commencer avec l'œuvre d'Audrey de Mers-Roberge, qui est présentée en co-diffusion avec L'œil de poisson. C'est une œuvre, un dessin monumental qui est présenté sur la façade de la coopérative Méduse qui donne sur la côte d'Abraham. C'est vraiment un dessin monumental parce qu'il se déploie sur 9 percées fenestrées là, à la hauteur de l'œil de poisson. Donc vraiment un dessin qui a été réalisé sur près d'un mois où finalement on vient dessiner, Audrey de Mers-Roberge est venue dessiner vraiment à même les fenêtres avec des feutres, puis ça crée cette espèce de dessin-là un peu translucide mais dont les couleurs sont très très vives. Ça nous présente une espèce d'enchevêtrement très serré de branches, de feuillages, de souches d'arbres, de troncs aussi, ça rappelle vraiment l'univers forestier. Là. Tu sais, on est déjà dans cet univers-là. Avec le regard qui est dirigé vers le sol. Oui, tout à fait. Ça vient créer une espèce d'effet de trame, de tapisserie, parce qu'il y a certains des motifs qui reviennent un peu. Il y a un rythme très intéressant de répétition de motifs similaires qui se répètent à travers ce grand dessin-là. Les couleurs sont très vives, c'est très riche. Là, on est dans une palette de couleurs, des orangés, des verts, des mauves, des bleus. Donc, c'est vraiment très beau. Puis dans la facture du dessin, il y a quelque chose qui est proche du découpage ou du collage. Puis on sait qu'Audrey de Mers-Roberge, dans sa pratique de dessin, travaille aussi le découpage et le collage. Puis je trouve que ça se traduit vraiment dans son approche pour ce dessin-là. Et ça vaut la peine de remonter la cour d'Abraham et d'aller sur la rue Saint-Réal pour voir l'œuvre en hauteur, vraiment la voir dans toute sa pleine dimension, parce que ça se déploie sur finalement 2 étages de la coopérative Méduse, vraiment si on le regarde dans son entièreté. Et je dirais que ça vaut la peine d'y retourner, ce que j'ai pas fait encore, d'y retourner le soir, parce que Oui. le soir, c'est l'éclairage qui provient de l'intérieur qui va venir faire ressortir l'œuvre, alors que le jour, bon, mais c'est plus l'éclairage qui vient de l'extérieur, l'éclairage naturel Oui. qui vient souligner les couleurs. Tout à fait. Puis ça, on va voir que ça vient même, c'est même intéressant dans plusieurs des œuvres aussi du parcours, comme l'œuvre de Jocelyn Philibert qui est présentée en face du centre Aline Lebel. En fait, c'est trois boîtes lumineuses, donc on peut les apprécier de jour, mais de soir, elles aussi, elles prennent une autre dimension. Jocelyn Philibert, on le connaît beaucoup pour son travail photographique fait de nuit, justement de forêt ou d'arbres isolés dans la nuit, photographié avec un flash très puissant qui vient créer un effet très détaillé, là, en fait, il y a vraiment ce découpage-là des formes finalement dans la nuit grâce à ce travail-là de la lumière Les qui arbres crée... deviennent fantomatiques. Tout à fait, tout à fait. Puis ça crée un effet comme suspendu dans la nuit, là. Ça crée vraiment un effet très puissant, là. Puis avec les formats verticaux, on vient comme prolonger le ciel, la pénombre, la nuit noire, puis ça vient isoler un peu ces lieux-là, là, sortis un peu de leur silence nocturne, là. Puis là, tout à coup, on les fait comme apparaître dans Il l'espace. y a un petit clin d'œil au sublime, on s'entend dans le travail de Jocelyn Philibert, là, Ouais. de se retrouver devant ces arbres qui sont plus grands de nature, parce que ça paraît pas, mais c'est des montages photographiques, donc il vient comme créer un paysage. Ben, c'est vraiment subtil, c'est ça, on le sent pas du tout, là, ce caractère-là de montage photographique, mais il y a vraiment quelque chose qui vient magnifier, là, ces Et on parlait paysages-là. de l'expérience jour-nuit, donc c'est des œuvres qui sont rétro-éclairées. Donc si on y va le jour, l'expérience est très différente que si on y va la nuit, alors que la Oui, lumière provient de l'œuvre. tout à fait, tout à fait. Non loin de là, on peut se rendre sur le parvis de l'église Saint-Roch pour observer une sélection d'œuvres de King Meata et Tid Louis. C'est une sélection qui a de particulier en fait que cet artiste-là est décédé en 1989. Donc, on a fait une sélection de dessins sur à peu près une décennie, la dernière décennie de sa production. Puis, on a accès en fait à deux types d'approches de dessins. Ces dessins, disons, les plus anciens là, dans cette sélection-là, on voit vraiment décrit un paysage, les dessins, les personnages, en fait, les animaux, les personnages sont campés dans des espaces avec une ligne d'horizon, mais les dessins les plus récents, eux, on voit vraiment les personnages dans des espaces complètement vides. En fait, c'est vraiment la feuille, le papier qui vient créer un espace abstrait, si on veut, puis c'est travaillé au crayon de couleur. C'est vraiment magnifique, le fini. Velouté, là, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire, là, la finition. Puis, c'est intéressant de savoir que c'est une artiste qui a fait de la lithographie aussi. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une parenté, là, dans son approche au dessin, avec un travail à la lithographie, Le finalement. travail des couleurs, des couleurs est vraiment magnifique dans ces Oui, œuvres-là. Ben vraiment. oui, c'est ça, les œuvres plus récentes, on sent un travail sur la symétrie, on est beaucoup plus dans le motif, il y a quelque chose de plus Oui. décoratif sans vouloir l'utiliser de manière péjorative. Puis son travail ancien, tu sais, on est dans le narratif, on assiste à une scène Un qui peu nous est plus. un peu plus racontée ou suggérée, là, parce qu'on ne peut pas deviner non plus ce qui se passe. Non. Mais tu as bien fait de le souligner, cet effet-là de symétrie dans les compositions. C'est pas une symétrie qui est rigide, mais la composition est toujours travaillée un peu en symétrie, puis ça crée quelque chose de très fort dans les compositions, là, graphiquement, là. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner Amanda Parer en terminant. Il faut préciser qu'Amanda Parer, en fait, The Intrude Family, qui sont cet ensemble de sept lapins soufflés et lumineux, vont être installés au parc Cartier-Brébeuf du 26 mars au 5 avril, donc pendant un peu plus d'une semaine, mais à la fin de la période du jardin d'hiver. Puis là, ici, on est vraiment devant une installation très, très curieuse, là, où finalement, ces lapins-là surdimensionnés vont se déployer dans un parc. C'est là aussi où on entre dans cet univers-là du conte, comme tu le mentionnais en introduction, Jean-Tiane, où on est proche de l'univers de la magie, du lapin de Pâques, d'Alice au pays des merveilles, mais finalement, il y a quand même une dimension un peu critique là, qui se cache derrière cette proposition-là d'Amanda Parer, où en fait, elle attire l'attention sur le fait que le lapin, en fait, a été intégré en Australie, son lieu d'origine, par des colons à peu près au 18e siècle, et aujourd'hui, il y a vraiment un problème de surpopulation de cette espèce-là. Et ça engendre en fait une sorte de désordre écologique qui a été provoqué en fait par l'humain, qui a fait déplacer en fait des espèces qui n'étaient pas natives de cet endroit-là. Donc, il y a comme deux aspects, un aspect très, très curieux, très fascinant par cette installation-là monumentale dans le paysage qui va être magnifique là, avec le tapis blanc au sol et tout ça. Mais aussi quand même une dimension réflexive ici qui se glisse à l'intérieur de la proposition d'Amanda Parer. Ben oui, une réflexion écologique qui peut nous faire penser à des situations qu'on vit aussi ici au Québec avec par exemple la carpe asiatique ou des phénomènes un peu plus dangereux comme ça. Mais merci beaucoup Delphine Gusbar pour cette belle présentation volet 1 de Jardin d'hiver qui est présenté par Manif d'art dans le contexte de ces activités réconfortantes de la ville de Québec. Et on se dit à la prochaine chronique. Oui, on se revoit bientôt. Et nous, on se quitte pour une pause audio. Bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland, toujours au micro, et je suis accompagnée de Vénétia Tibucas. Bonsoir, Vénétia. Allô! Donc, Vanessa, on voulait te recevoir ce soir pour parler de l'encan des finissantes. C'est un encan qui a été mis sur pied pour financer l'exposition des finissantes en arts visuels et médiatiques de la 50e cohorte de l'École d'art de l'Université Laval. Peux-tu d'abord m'expliquer, pour les gens qui sont intéressés, comment ça fonctionne l'encan des finissantes? Tout d'abord, l'encan a été une alternative qu'on a proposée à nos campagnes de financement actuelles. Vu le contexte, il a fallu qu'on se vire de bord pour pouvoir se trouver un autre moyen de financement. L'exposition des finissants a lieu tous les années à l'Université Laval. Donc, on s'est lancé sur une idée d'un encan. Donc, comment ça fonctionne pour miser sur les œuvres d'abord? Il s'agit de s'aller sur notre page Facebook, d'aller directement sur l'image de l'œuvre convoitée et de miser dans les commentaires. Donc, c'est ça, ce sont des œuvres qui sont publiées à quelle fréquence sur votre page Facebook? Ils sont publiés aux 2 semaines. Lundi de 2 semaines. Il y a les œuvres qu'on a reçues durant la semaine qui sont publiées. Donc, à surveiller aux 2 semaines, on regarde les images qui sont publiées et on mise dans les commentaires de cette image-là pour les œuvres qui nous intéressent. Oui. Et comment ces œuvres-là ont été sélectionnées? Qu'est-ce qui a déterminé les œuvres que vous mettez à l'enchère, dans le fond? Bien, on a fait un appel d'œuvres. On l'a envoyé au travers de différents communiqués. Puis, par la suite, on a reçu les candidatures, puis on les a mis. Donc, ce ne sont pas que des étudiants, que des finissants au bac en arts visuels et médiatiques qui ont soumis des œuvres, c'est des artistes d'un peu partout. Oui, absolument. On a des artistes qui sont finissants, on a des artistes qui proviennent de l'extérieur, des artistes professionnels. Donc, c'est une belle opportunité pour les gens de soit découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas ou d'acquérir des œuvres d'artistes qu'ils connaissent déjà aussi avec le format de l'encan. Donc, il y a différentes mises justement, puis ça peut donner des belles opportunités d'acquisition. Oui, absolument. C'est une belle opportunité de découvrir des artistes qui sont émergents. Ceux qui sont en train de terminer et des artistes qui, justement, là, veulent mettre en lumière leurs œuvres. Oui, bien, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que je voyais dans l'appel d'œuvres que l'artiste qui soumet une œuvre pour l'encan soumet un prix de départ. Ce prix de départ-là, c'est le cachet qui est remis à l'artiste. Donc, l'artiste, c'est pas du pro bono, là. Tout le monde profite de cette opportunité-là. Donc, l'artiste est payé avec le prix de départ, puis tout ce qui est misé au-dessus de ce prix-là, c'est le profit qui va à soutenir l'organisation de l'exposition des finissants. C'est bien ça? Oui, absolument. C'est bien important là, que l'artiste puisse recevoir sa part du gâteau. Oui, tout à fait. Donc, pour tous ceux qui seraient intéressés à découvrir les artistes, à acquérir une œuvre, il suffit d'aller sur la page Facebook de l'encan des finissantes. Donc, le E est en majuscule, c'est pour ça que je le prononce drôle depuis tantôt. Puis, il suffit de commenter sur l'image des œuvres qui vous intéressent. Puis, c'est toujours intéressant de miser un tout petit peu plus haut que le prix de départ parce que comme ça, on s'assure que l'artiste est payé son cachet et que l'exposition a un bon financement parce qu'on aime toujours cette exposition-là à chaque année. C'est toujours plein de belles découvertes. Donc, merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été avec nous. Nous, on se laisse pour une courte pause.